Bonjour. Je recommence mon direct là. Ça devrait pas être trop long, c'est parce que là, je trouvais 38 minutes, ça faisait pas beaucoup. Donc, oui, je suis revenu. Puis encore là, long, mais après, il faudrait que j'aille encore en avant, puis je ne vais pas. Je vais attendre, je vais refaire un petit direct encore un bout de temps. Ben ouais, mais c'est pas drôle, là. Qu'est-ce qu'il y a de comique? Je trouve pas ça comique, je suis tout le temps à déranger. J'ai jamais la paix. C'est bien fatigant. Fait que là, je vais voir ce que je vais faire là, prochainement. Je vais acheter une porte. Je vais m'acheter une belle porte, là, une porte pleine, là, puis je vais isoler ça. Parce que quand je suis en train de faire un chastique, je suis tanné de me faire déranger. Vraiment, là. Surtout, j'ai été propriétaire à l'âge de trentaine de ma maison, puis ça fait des années que j'ai plus la paix, jamais. C'est que je viens en crise, là. J'ai fini que je l'ai plus, mais selon qui? Oh, je sais pas. Ben là, prends-la. Ben là, prends-la. Hein? Quoi? Je sais pas de quoi il est question. Mais là, c'est sûr, oui, je vais prendre. Je vais m'acheter une autre porte, là. Je vais installer une autre porte, là, qui est pas une crise de cochonnerie en carton, là. Parce que ça, c'est rien que deux morceaux de contreplaqué, là, avec un petit cadrage autour, c'est de la merde. Ah, la paix. Ben ouais, mais on fait pas ce qu'on veut. On ne fait pas nécessairement ce qu'on veut dans la vie, il faut être créatif. Fait que moi, être créatif, puis je vais acheter une porte. Puis je vais isoler ça. Je vais isoler ça ici, parce que je suis tout le temps interrompu. Je n'ai jamais la paix. Mais ça, peu importe où je suis, ça fait des années depuis, je dirais. Oh, ça fait au moins. Je vais avoir eu la paix à peu près 2-3 ans dans ma vie. Puis. Ça n'a pas été long, là. Mais c'est-tu que je fais plus confiance à personne? C'est-tu que j'ai. Ça, c'est des affaires que j'ai intégrées, hein. J'ai fini par intégrer. J'ai plus confiance en personne. Tout le monde, c'est des paquets de troubles. Tu as changé de vibration. Ben, c'est sûr que je me suis fait interrompre. C'est certain. Mais oui, là, je vais payer pour une porte, là. Encore 300 piastres, là. Pour une porte, là, pour avoir la paix. Que le son ne traverse pas, là. C'est comme si j'avais un rideau, là. C'est comme si j'avais un rideau. Mais, bon. Mais oui, puis peut-être même tant qu'à faire, là. C'est quoi, voulez-vous que je fasse une chaîne de lifestyle, hein? Ou bien que je raconte là, des histoires choquantes. Là, je pourrais titrer, là, mettre des titres de montage. Là. Ce qu'a fait cette vieille dame est horrible. Puis on verrait ma face à côté. Ou bien des photos avec un rond rouge puis une flèche. Là. Regardez ce qui est arrivé à ce jeune homme. Sais, des fois, là, je viens. C'est-tu que je suis choqué? Je viens tellement en colère. Je viens tellement en colère. C'est peut-être là qu'il m'a joué. Ah bon, tant mieux si vous appréciez mieux en colocation pour être dérangé. Mais moi, je suis proche aidant. C'est de la famille, là. Vous savez, j'ai certaines notions de famille. J'ai pas eu d'enfant, mais j'ai une famille pareille. Le réel, ça nous va. Bon, OK. Mais non, c'est parce que des fois. Ça marcherait fort, c'est sûr. Ben oui. Mais des fois, je suis découragé, je suis en colère. Parce que, comme je l'ai déjà dit dans une vidéo, à Maton, là, au niveau de certaines choses, là, vous allez avoir du monde là, qui font des ateliers d'intégration de conscience. Puis je regarde ça, puis c'est des ostinaiseries. C'est vraiment de la merde. Mais parce qu'ils chargent, parce qu'ils se prennent au sérieux, ben là, ça passe. Mais moi, c'est comme, je suis vraiment traité comme de la merde. Dans le fond, moi, je trouve ça. Pas que je trouve que le monde est ingrat, manque de reconnaissance. Proche aidant, ça veut dire que je vis avec des gens de ma famille qui peuvent pas, qui ont de la difficulté à prendre soin d'eux. Oui, c'est ça. Je vais avec quelqu'un qui est atteint d'ostéoporose assez grave, puis aussi d'emphysème, puis d'autres troubles, notamment là, la difficulté, même pas capable d'élever un chaudron. Même, en tout cas, sans vouloir, c'est des choses privées. Donc, est-ce que tu es en colère contre moi? Ben non, je suis en colère du fait que j'ai jamais payé. peux jamais faire. Je fais jamais ce que j'ai à faire. J'ai tout le temps interrompu. Je peux pas. Ça n'a aucun sens. Ça fait des années hein, que ça dure. J'ai vraiment. C'est bien. Un autre que moi, il serait bien frustré. Je finis comme bon, je m'en accommode, là, mais. Surtout quand tu l'as déjà eu, la paix. J'étais tellement bien quand j'avais ma. Bon. Parce que, tu sais, moi, ça m'écœure tellement d'avoir une propriétaire. Juste d'avoir été obligé d'appeler la SPCA pour qu'ils viennent chercher un chat que j'aurais gardé si j'avais été tout seul. Parce que la propriétaire me chargeait, elle voulait charger. Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Ça ne me dérange pas quelqu'un d'asocial ou d'antisocial, au contraire. Mais on vit dans une société tellement dégénérée puis stupide, où les règles sociales sont tellement altérées, puis tellement on est vraiment dans une étape de dégénérescence puis de décadence, que c'est sûr que ça me met en colère, parce qu'il n'y a rien que de l'allure, il n'y a rien que du sens. Un peu même plus moyen d'avoir. Vous savez, anciennement, c'était considéré presque comme un droit à la propriété. Aujourd'hui, c'est impossible de. Juste pour faire un exemple, quand je me suis séparé, j'ai été obligé de vendre ma maison. Ben, normalement, j'aurais pas été obligé de payer comment est-ce qu'on appelle ça, donc? En tout cas, j'aurais pas été. Mais la banque, qui se sont arrangés pour se servir d'une clause, ils m'ont fait payer, là. C'est incroyable comment que on est dans un monde empirique, qu'il n'y a pas de bon sens. Faut avoir là, les griffes sorties tout le temps, puis les dents longues de même. Pourquoi? Parce que ça arrive rien qu'à de l'allure. C'est ça l'évolution, surtout quand ça arrive vers la fin de. Bon. J'aime l'esthétique qui se dégage de ton salon. Les meubles, j'aime. Ah oui. Vous savez, je suis assis par terre. J'aime l'association couleur orange, vert. Ah bon, c'est pas commun les gens qui ont dit bon, merci. Vous savez, j'aurais de la difficulté encore plus à endurer mon environnement si c'était laid. Parce qu'il a vendu avant le temps 25 000, ben c'est ça. C'est incroyable. En plus, moi, on m'avait dit avant la vente, que si les gens qui achetaient ma maison faisaient affaire avec la même institution financière que moi, j'aurais pas à payer ça. Donc, j'ai refusé des acheteurs pour être certain d'avoir des gens qui faisaient affaire avec la même institution financière que moi pour pas avoir à payer. Eh bien, vous savez quoi? Ils me l'ont fait payer quand même parce que la clause était valide selon ce qu'eux décidaient. Ils s'accordaient le droit discrétionnaire de m'accorder ça ou pas. Puis, comme c'est tout le temps de presser le citron le plus possible, dans le fond, on a affaire à des gens qui mentent pour des raisons d'incitatif, qui sont fallacieux. Puis ça, c'est tout ce qui est institution financière, institution municipale, tout ce qui est les réseaux d'entreprises. Vous savez, dans la municipalité où j'étais, il y a une agente en bâtiment qui était arrangée avec des inspecteurs, puis un autre qui lui avait une compagnie de pompes, puis ils m'ont forcé avant la vente à remplacer une pompe neuve. J'avais aucun recours, hein. Je pouvais rien faire. Ils ont décidé qu'il fallait que je la remplace, puis ils ont monté la tête des acheteurs pour que eux incluent ça. C'est incroyable. C'est incroyable. Quelqu'un de bien. Quelqu'un d'honnête, quelqu'un de bon ne peut pas survivre dans notre société à moins d'intégrer par de la souffrance expérimentale de la ruse, puis de voir à quoi il y a affaire. On a affaire à des loups. Vous savez, là, la phrase, là, vous êtes des agneaux que j'envoie parmi les loups. C'est ça. C'est des loups. Est-ce que tu. Bon. N'as-tu aucun contre-exemple autour de toi qui ne font pas partie de cette dégénérescence? Ben, toutes les gens qui seraient le contraire de ça, ce seraient des victimes que j'ai connues. Des gens qui ont été comme moi, qui ont appris à la dure que l'homme est un loup pour l'homme. Que ça c'est réel. Ça, c'est réel, dans le sens que il n'y a jamais personne qui vous fera de cadeau. Puis, c'est incroyable. Non, même quand j'y repense avec le recul, toutes les fois où je me suis fait enfiroper, toutes les fois où je me suis fait poignarder dans le dos, toutes les fois où les gens ont été ingrats, ça n'a aucun sens. Tu as développé de la ruse, du coup, ben oui. Ben oui. Oui, j'ai développé de la ruse. Je suis pas devenu aussi mauvais que ces gens-là, mais je suis devenu, j'ai un regard plus clair. Puis maintenant, je vois plus rapidement, puis c'est beaucoup plus difficile de me... J'ai brûlé de la naïveté. Je suis pas devenu à l'image de ça, mais j'ai brûlé de la naïveté à force de... C'est pour ça que je vous dis, là, l'affaire, là, d'être heureux, puis d'être dans le bonheur, le monde, tôt ou tard, le mur va venir. Le mur va venir, il faut s'endurcir pour que quand le mur vient, qu'on défonce le mur. Donc, ah bonjour Benoît. Dans une vidéo, vous dites quelque chose du genre la soumission de l'ego à l'esprit procure la liberté. Ah oui, j'ai dit ça moi. Ah, c'est drôle, je m'en souviens pas. Mais oui, parce que le corps de désir de l'ego est polarisé, peut juste engendrer de la frustration. Donc, il faut accepter l'expérimental jusqu'à un certain point, sans broncher, pour intégrer du réel. Donc, oui, puis là, il y a un contact avec l'esprit quand ce processus-là est enclenché, au fond, parce qu'il y a une conscience intégrale naissante. Donc, bonjour, Sylve. Il n'y a pas que des loups, mais aussi des vautours. Il y a toutes sortes d'affaires. Il y a tu sais, une faune, une vraie belle faune. Il y a des fauves, il y a toutes sortes de... Mais au fond, c'est toujours, je reviens tout le temps au jour, au même. Bonjour Lise. Donc, oui, des fois, je me dis, comment discerner une colère psychologique d'une colère mentale? Ça m'est souvent demandé ça. Puis je pense que je ne réponds jamais la même chose. La colère psychologique, vous allez perdre de l'énergie. Puis vous allez vous décentrer. La colère mentale, vous allez vous centrer puis accumuler de l'énergie dans l'attente d'une action précise qui va se déclencher au moment où c'est le temps. Je n'ai jamais pu m'affaire à l'idée de mentir ou de ruser pour obtenir quelque chose. Pourtant, on n'a pas le choix. On n'a pas le choix, c'est une question de survie. À un moment donné, ça devient une question de survie. C'est comme si vous, c'est comme dans le temps, là, imaginez là, dans le temps là, que la Gestapo cherchait des Juifs, puis il disait, est-ce qu'il y a des Juifs cachés dans le bloc en avant? Vous n'allez pas mentir, vous allez leur dire, oui, il y a une famille là, avec des petits-enfants. Puis... À un moment donné, il faut. C'est une question de morale. Dans le sens, pas de la morale comme on nous l'a appris, mais dans le sens d'une logique de que l'énergie aille selon son appointement le plus harmonieux possible. Dans le sens que, à un moment donné, la peur du mensonge, il faut retourner ses propres forces contre lui. Parce que c'est en étant divisé contre lui-même que son empire s'effondre. C'est aussi simple que ça. C'est des principes qui ont été trop spiritualisés, trop psychologisés, trop philosophisés, trop philosophisés, trop intellectualisés. Mais c'est des réalités très, très claires, très, très, très simples. Puis c'est, on se complique la vie, c'est en réfléchissant qu'on se fourvoie. Où sont ceux qui passent à travers la fin du cycle? Ce sont les loups et les vautours qui s'en sortent? Non. Ben non. Pas nécessairement. Pourquoi? Qui me demande pourquoi? Je ne sais pas. Pourquoi quoi? Pourquoi c'est pas. C'est moi, il faut que je demande ça. Pourquoi c'est pas les loups et les vautours qui sortent? Ah, parce qu'à la fin, ils se dévorent entre eux autres. Donc, c'est moi. Ouais. Et ça prend. Eux autres, ils sont dans un système vampirique qui ne peut pas faire autrement que de. Vous savez, c'est comme la loi de la thermodynamique. Je ne dis pas qu'il ne faut pas mentir, mais je ne vais pas me changer pour survivre dans un monde indésirable. On va mourir de tout. Bon, franchement, ça, j'aime pas ça. Ça, là, c'est anti-vie, puis anti-homme, puis anti-créatif. Puis anti-intégration. Ça a vraiment une vibration de merde. Dans le sens que vous n'avez pas le choix d'évoluer pour survivre. Ça fait partie des lois de la vie. Donc, il faut qu'il y ait une transmutation. Il faut qu'il y ait une transmutation. C'est pour ça la souffrance expérimentale. C'est pour ça les lois de l'intégration. Il faut qu'il y ait une transmutation. C'est pour ça la confrontation. Donc, l'affaire, ah ben moi je reste comme ça, puis je vais mourir de toute façon, ça c'est, vous vous faites avoir là, par des forces de subjectivité anti-homme, anti-vie, des forces involutives, de la mémoire involutive. Pourquoi, pourquoi, quoi? Votre premier contact vous a-t-il déstabilisé ou étiez-vous préparé? Ça m'a tout le temps déstabilisé, puis même que jusqu'à un certain point, ça s'est produit, j'étais encore dans des troubles de dépression. Je voyais des choses que j'étais même pas prêt à intégrer. Puis c'était ça, je le réfléchissais après, puis il s'en suivait de la souffrance. Donc oui, c'était déstabilisant. Aussi, ça m'a tout le temps mis dans la merde au début. De retour, ben oui. Qu'est-ce que la créativité d'un point de vue mental? Ben, la créativité, c'est un espace d'action, d'adaptation, d'harmonisation. C'est ça la créativité. Il faut que ce soit en temps réel. Il faut qu'il y ait une malléabilité des formes au niveau de faire en sorte que l'énergie circule harmonieusement pour que les lois de la vie s'accomplissent en harmonie. Donc, ça peut passer par de l'inventivité qui semble tomber d'un coup. Donc, je suis tombé sur l'audio de BDM, le dédoublement de la pensée. J'ai l'impression que c'est moi qui parle dans ma tête, mais ce n'est pas moi. Et qu'il y a des choses qui se disent, qui se produisent. Ben oui, c'est parce qu'on met des formes sur l'énergie. Si vous êtes sensible, moi quand ça me parle, c'est avec ma propre voix, puis c'est comme si c'est moi qui me parlais. Pourtant, je ne peux pas prévoir ce qui va être dit. Donc, ça vient d'en dehors de l'intellect. Il y a une différence entre sincérité et naïveté quand même, pas psychologiquement, pas au début. Pas au début. D'ailleurs, les fauves, puis c'est les gens, quand ils voient que les gens sont honnêtes, puis ils savent qu'ils ont une proie, là. Désolé, là, il y a une différence entre sincère et naïveté. Moi, mais pas au début. Pas au début. Il y a une maturité qu'il faut que s'intègre à ça. Donc, oui. Mais c'est au début, là, c'est la main, ça revient aux mains. C'est une sincérité naïve. À un moment donné, la sincérité, elle cesse d'être naïve, puis elle peut même devenir offensive. Puis d'une grande dureté, là, on tombe dans de la franchise calculée quasiment. Pas calculée dans le sens d'un calcul intellectuel ou psychologique, mais dans le sens d'ajuster tout le temps. Dans le sens de tout le temps proportionnel. Donc, je voulais faire un complément à l'autre live. Il y a des choses que je sentais que j'avais pas dit. Mais après un certain temps, je vais quand même arrêter celui-là aussi. Comme ça fera presque 1 heure, les deux. Pourrais-tu dresser un portrait occulte de Trump? Oh, j'en vois pas l'intérêt. Vous savez, moi, je suis de ceux qui ont jamais remis sa confiance dans cet homme. Puis j'ai jamais eu confiance qu'il allait nous sortir de tout ça. Puis j'étais le moins optimiste de ma gang, là, entre guillemets, ma gang, là, j'étais le seul qui était vraiment pas optimiste. Puis qui disait non, non, vous allez être déçus, mais bon. Je l'ai tout le temps pensé que. Je dis le tienne, je sais pas pourquoi le tienne, mais c'est clair qu'il tienne. C'est une sorte de contre-feu. Bon, en tout cas. J'ai refait un rêve récurrent. J'ai un câble qui sort de ma bouche avec plein de friture et de tension. Je tire pour le sortir de toutes mes forces pour arriver au bout, mais ça finit pas. Ah, peut-être vous êtes. On dirait qu'il y a quelque chose lié à la parole là-dedans. Peut-être que vous êtes en train de développer un exercice de la parole. Peut-être au niveau vibratoire, ça serait intéressant, ça, parce qu'il n'y a pas beaucoup de dames qui exercent la parole, puis il va falloir, comme il y a beaucoup d'hommes, qu'il va falloir qu'ils apprennent à être plus réceptifs. Des fois, je parle spontané et il y a des informations vraies qui en ressortent, et des fois, l'information arrive avant que ma tête. Mais je dois discerner et jamais croire. Des fois, j'arrive à. Oui, il ne faut pas penser non plus. Il ne faut pas réfléchir à ce qui est dit. Parce que là, vous allez perdre le. Mais oui, vous êtes. L'exercice de la parole, ça ressemble à de l'écriture automatique, mais c'est par la parole. Puis un peut amplifier l'autre. Il se passe quoi? Des fois, ça arrive, des fois, non. Ben, il se passe quoi? Je sais pas. Allô, je viens d'arriver. As-tu apporté des précisions sur le dame planétaire? Ah non, c'est juste des gens qui sont coupés de leur esprit. C'est la communauté des gens coupés de leur esprit, là. C'est tout. Je veux dire, c'est l'enfer sur Terre, si vous voulez. C'est l'enfer, c'est pas nécessairement comme on l'entend. C'est l'ensemble des créatures qui l'habitent et le perpétuent, mais il y a différents. Vous savez, le plan matériel, il y a tous les autres plans dedans. Est-ce que l'astrologie t'intéresse? Non. J'ai jamais eu d'intérêt pour l'astrologie. Puis même à un moment donné, je lisais la Bible, ça disait de pas consulter les astrologues, puis de pas d'en garder chez soi, puis je trouvais la vibration haute. Puis j'ai tout le temps eu un même du dédain. Du dédain. Pourquoi dame? Parce que c'est le mot qui a la vibration la plus juste pour décrire ça. Vous savez, c'est de ce mot-là que vient damnation. C'est pas moi qui ai inventé le mot, là. Un dame, c'est un plan qui est coupé d'une lumière. C'est ça, un dame. À quel moment les gens connectés à leur esprit se rassemblent? Je ne sais pas. Aucune idée. Ah non, ça s'écrit DAM. N'y a pas de N. Donc, que penses-tu des Q-drop? Pas Q-avoir, rien. Rien, j'ai tout le temps, j'ai tout le temps, j'ai jamais embarqué là-dedans. Dès le début, j'ai considéré que c'était une opération de contre. C'est une. Voyons, comment on appelle ça? C'est une opération, en tout cas, de la guerre de l'information. C'est une opération de contre. En tout cas, c'est de l'estimable. Désolé, là. Je vois ça comme ça. Je m'excuse, là, mais j'ai jamais embarqué là-dedans. J'ai jamais eu confiance à ça. Pour moi, c'est des os à ronger pour. C'est une opération de guerre de l'information, mais pas au sens où les jeunes voudraient. L'éveil arrive-t-il de l'acharnement, de la persistance qui raffine la discernation du contact à travers le temps? Ben oui, mais faut qu'il y ait une constance puis un effort. Au sens, faut manifester une volonté d'une façon constante. Pour qu'il y ait, vu que justement, oui, on est à travers le temps. On est dans le. Donc, oui, il y a une persistance de quelque chose, en tout cas. Est-ce que tu vis avec le sentiment d'attendre? Non. Non, vraiment pas. Je sais pas à quoi. Je saurais pas à quoi m'attendre. Je ne sais pas à quoi m'attendre. Je le vois à mesure, même si c'est des choses que. Moi, je me rappelle plus, ostinant, j'ai dit par rapport à quoi. Si tu les Q-drop. En tout cas, mais je ne saurais pas à quoi m'attendre. Dans le sens, je peux être dans l'attente, mais je ne sais pas ce que j'attends. Dans le sens que. Non, je ne peux pas être vraiment dans l'attente. Mais il y a des choses auxquelles je m'attends. Comme l'affaire qu'il y allait, les mesures allaient changer selon le statut d'inoculation, ça je le savais, parce que ça fait partie des vieilles techniques. Ils font juste répéter ce qui a fonctionné dans le passé, donc c'est par déduction. Puis entre autres, bon, je savais qu'il y aurait un autre couvre-feu, mais en août, là. Puis souvent, je vais dire, ah, oh, il va y avoir telle affaire, puis c'est en plein dans le temps que les autres y croient. Puis, bon, en tout cas, je viens de voir au. Au Canada, ils veulent ajouter une taxe. Ben oui. Puis d'après moi, ça va être autour de 5 000 piastres. Ils essaient de nous tenir avec la. Ben oui. Ben, c'est ils haïssent les pauvres. Hein. C'est des darwinistes sociaux. Donc, ils vont tout le temps s'attaquer aux plus faibles, les vieux qui payent plus d'impôts, les obèses, les pauvres. Donc, imaginez un petit vieux obèse et pauvre qui nourrit l'espoir involutif de. Et voilà. Ben oui, psychologie. As-tu entendu parler des travaux de Daniel Kemp sur les mécanismes du temps et ce qui en découle? Si oui, Qu'est-ce que ça a fait vibrer chez toi, sinon, que tu as à dire sur les mécanismes du temps? Ben, j'en aurais long à dire. Mais Daniel Kahneman, je ne l'ai pas lu ni écouté avec assiduité. Ben, franchement, mon rapport avec ce milieu-là, il est lié à mon propre matériel, surtout parce qu'il me vient. Donc, Daniel Kahneman, j'aime sa vibration, mais je ne l'ai pas écouté. Même Bernard, je ne l'ai pas écouté tant que ça, là. Je suis pas un... Donc, mais les mécanismes du temps, là, ça pourrait être long. Mais la linéarité à espace-temps est engendrée par ce qu'on pourrait appeler un principe de ténèbres qui est lié à un principe de cristallisation de la lumière. C'est ça qui engendre les plans. Faut qu'il y ait une cristallisation de l'énergie, donc un ralentissement de certains principes qu'on pourrait appeler l'éther, donc une densification. Donc, ça engendre l'espace-temps. Mais c'est ça qui rend possible les lois évolutives des mondes en évolution. Il faut que ça passe à travers tous les plans, sans vouloir faire de publicité à des au Cabellus, pas ces affaires-là. Il y a de quoi de réel à travers leur affaire de lumière là, qui passe à travers des vases qui éclatent un après l'autre. Bon, en tout cas. Ce que je trouve le plus difficile, c'est de sentir le vide intérieur depuis ma conscientisation avec mon propre support. Ouais, c'est le cloisonnement. Ouais, c'est difficile ça. Puis pas être même à un moment donné là, de juste l'effet. Il y a une espèce de déstabilité émotionnelle qui se fait à un moment donné où ce qu'on vit moins de choses émotionnellement parlant, puis juste ça, c'est difficile. Je me sens plus inerte et sensible. Il y a du mental, de la compréhension de mon entourage, mais aucun toll. Ouais, ben. Plus vous allez voir autour de vous, puis moins vous allez être vu. Des fois, ça peut être choquant. Donc, aucune tolérance. Ouais, ben, faut pas être dans l'attente, les autres autour, là. Graphène dans le vaccin, ben, il y a des. Ce serait difficile à dire, on n'a pas le droit de savoir ce qu'il y a là-dedans avant 2076. Voyons donc, là, il y a un problème, là. En tout cas, ressenti des influences et actions d'entités évolutives. Oui, mais ça vient par phase. Mais à chaque fois, je considère que c'est moi. Mais un autre niveau. Donc, entité. Je me souviens que Kim disait que le temps ne passe pas, mais que c'est nous qui traversons, passons à travers le temps. C'est une affaire de perception, le temps. L'affaire, là, c'est un peu comme disons, quel monde qui dit « Ah, je reçois de l'information », c'est eux qui se promènent. Qui peuvent se voir, c'est eux qui changent de... C'est comme surfer sur Internet. C'est pareil le risque, là. Pourquoi les mondes créés par des univers de perfection ont-ils besoin d'évoluer? Pourquoi? Parce que ce qui est parfait évolue pas. Donc, il faut créer de l'imperfection pour que les formes soient de plus en plus sophistiquées. Ça fait partie de la nature, de la lumière, si vous voulez, ouais, de coloniser des espaces, puis d'engendrer des espaces qu'elle colonise. Puis ça fait partie des lois d'infinité. Dans le sens que s'il y avait juste un plan qui était parfait, il n'y aurait rien de possible. Il n'y aurait rien. Là. Puis le système, si vous voulez, ne pourrait pas se voir. Il n'y aurait pas d'intelligence manifestée dans l'univers. Donc, de toute façon, l'affaire, ce n'est pas le pourquoi puis le comment, c'est le même. C'est même, peu importe qu'on. Message aux gens dans le déni, tu ne voulais pas le voir, ben tu vas le vivre. Ben oui, c'est vrai. C'est là que c'est des chocs, hein? Puis c'est par des chocs qu'on intègre. C'est là que ça casse ou ça passe. Mais bon. Selon ma perception, nous sommes chacun notre temps. Oui, mais au-delà de ça, il y a quelque chose qui englobe les temps de tout le monde, là. Parce que c'est pas parce qu'on divise la lumière par de l'individuation qu'il n'y a pas de l'intelligence en tant que principe au niveau cosmique. Donc, c'est pareil le temps. Donc, il y a tout le temps quelque chose qui englobe. Donc, l'évolution de la race humaine, est-ce la source divinatoire qui manipule les forces luciférienne, qui manipule les forces sataniques? L'évolution de la race humaine, est-ce la source divinatoire, c'est là où j'accroche, là, qui manipule les forces divinatoires. Vous savez, là, les forces sataniques, c'est juste des forces planétaires. Les forces luciférienne, c'est juste des forces cosmiques qui viennent du planétaire, qui chutent vers le. Vous voyez, là, je voyais Satan tomber comme l'éclair. Derrière ces formes-là, il y a des mystères, c'est-à-dire qu'il faut être initié. Un mystère, ça ne veut pas dire que c'est inaccessible à la compréhension humaine. Un mystère, ça veut dire que c'est pas intégré. Et ça faut être initié, pas nécessairement par un groupe de monde. L'initiation, ce n'est pas à ce niveau-là que j'en parle. Dans le sens qu'il n'y a pas de mystère dans le fond, mais c'est tout le temps l'individu qui est limité dans sa perception. Donc l'affaire, qu'est-ce qui manipule le luciférien? Qu'est-ce qui manipule? Il y a juste une différence de hiérarchie au niveau de la densité planétaire de certains principes cosmiques de domination de l'énergie à travers la matière. Les fameux ténèbres, là. C'est pour ça que ça dit Lucifer, Luciferic, porteur de lumière. Mais c'est pas la lumière. Comprenez? Il l'attrape et il la ralentit en tant que principe de. Puis c'est là où ce qu'il faut qu'il y ait une intégration consciente d'une conscience intégrale, c'est-à-dire il y a une désanimalisation, puis là, l'humain va apparaître. Mais en attendant, il est soumis à des lois autorégulées systémiques. C'est là que ça devient touché, là, puis ça devient compliqué, parce que c'est difficile de parler de ça dans des mots, dans un langage humain, parce que ça se passe à un niveau qui n'est pas humain, ces choses-là. Mais je pense que je lui ai donné des. C'est pas pire là, ce que je viens de dire. Là. Je ne m'attendais pas à dire ça. Je crois que les gens n'ont pas les corps pour intégrer la situation d'Houdini. Oui, mais d'où aussi l'expérimental. Il va falloir les faire, les corps. Donc, ça va être de force. Ils vont intégrer le réel de force. L'évolution, c'est jamais un choix au sens égoïque du terme ou du corps de désir. L'évolution, ça arrive parce qu'on n'a pas le choix. C'est quand on n'a pas le choix. C'est comme je disais là, dans l'autre live d'avant que j'ai fait aujourd'hui, j'ai eu envie de mourir pendant au-dessus de 20 ans. Une fois que, sans rien, on a réussi à intégrer l'énergie de ça, on n'a plus peur de rien. Il n'y a plus personne qui peut me menacer de mort puis que j'ai peur. Là. De toute façon, j'en ai eu en masse des menaces de mort puis je. Hey, on vient là que, hein? Oh, il n'y a rien là, il n'y a rien là. Donc, les gens n'ont, bon, les élus du supramental, je dirais les marqués, c'est une marque, hein? Dans le sens, c'est lié à de la programmation par l'homme. Donc, élus, je ne sais pas, moi j'attends le grand monarque de Glienne, ça vibre très très haut, ok, bon. Ok, c'est une farce, hein? C'est les forces du vide qui énergisent l'espace et la matière. Ouais, ben le vide, c'est un mensonge. Vous avez un espace, mais même dans cet espace-là, il va voyager de l'information, sinon il n'y a pas d'espace. Qu'est-ce que je pourrais dire là? Prenez le silence. Le silence, c'est un mensonge. Même, il y en a qui disent, oh, dans l'espace, là, dans le vide spatial, il n'y a pas de son. Ben non, mais il y a des ondes qui voyagent pareil. Vous pouvez écouter l'espace, les corps célestes émettent des ondes pareil. Ils voyagent tout le temps quelque chose, ils voyagent des photons. Ils voyagent. Le silence, c'est un mensonge. C'est pareil pour le vide. Il n'y a pas de. Un espace, là, c'est parce qu'il y a quoi qui circule dedans. Sinon, il n'y a pas d'espace. OK. BDN affirme que l'expérience humaine a été créée par Lucifer, mais qu'ensuite. On reste des petits niaiseux, Lucifer, c'est apprécié. Ben oui, mais c'est ça, mais c'est des forces autorégulées de principes cosmiques expérimentaux. Lucifer, là, une fois planétarisé, ça devient des principes animaliens. Sur Terre, là, on est barouetto au niveau de l'expérimental par la polarité positif-négatif. Le centre de récompense dans le cerveau, puis les nerfs qui souffrent puis qui enregistrent de la douleur. Puis, tu sais, c'est pour ça que je vous dis, c'est juste de comprendre ces programmes-là puis de les intégrer. C'est de même que vous sortez du joug de ces forces-là puis vous allez assujettir les choses puis devenir votre propre programmateur. L'être humain retrouve sa vraie nature. Il recouvre sa vraie nature en tant que. Il n'est plus un ange déchu, là. Il n'est plus Lucifer, il vient d'autre chose, puis là, on va pouvoir passer à d'autres choses. Mais en attendant, on est tous charriés par nos désirs, nos frustrations, nos craintes et nos espoirs, puis c'est ça qui rend possible des affaires comme ce qu'on a en ce moment, l'ego, puis. C'est tout simple que ça, c'est ça Satan, c'est ça Lucifer, c'est ces forces-là. Mais on les psychologise, on les. Bon, en tout cas, j'arrive plus à regarder Glenn, il me met en colère. Ben, moi, tout, il me met en colère, mais ça fait des. Je veux dire, j'ai pas d'intérêt à l'écouter ou à le regarder. Ils sont au méta. Bon, je vais devoir y aller bientôt. Ça fait combien de temps? Ah, ben, ça va faire 1 heure avec les deux enregistrements. Donc, j'ai eu. La mort dans l'âme, une partie de ma vie, et j'avais peur de mourir. Aujourd'hui, j'ai intégré la peur de la mort. Ben oui, moi aussi, j'ai plus peur de rien. De toute façon, il y a quelque chose d'une peur inconsciente de vivre dans la peur de la mort, c'est-à-dire l'inconscient, pas au sens où les Freudiens l'entendent, mais pas loin. Je viens de parler de la polarité. Mais où ça, je vois pas le. Moi, ça se peut. En es-tu au stade où tu t'es. Réalise en tant que ton propre programmateur. Ben, je suis pris dans un des programmes expérimentaux, puis on est à la fin d'un cycle. Donc, en partie, mais c'est loin d'être affiné. Là, point d'interrogation. Je vois pas, là. Il faudrait peut-être LA accent grave, le dire ici ou quoi. Marco Vachon, le problème, c'est que le choc est apporté de façon tellement graduelle. On dirait qu'ils attendent ça d'avoir fini de manger leur soupe de merde, mais le goût leur sert toujours à un autre bol. Regardez là, les expériences là, de la CIA, entre autres par rapport à la programmation mentale. Ça marche justement avec un dosage au niveau de choc. La veille, le sommeil, l'alternance, la rythmique. Donc, il y a des techniques là, de la façon qu'ils agissent, eux autres-là. C'est juste au niveau collectif. Est-ce que les élus sont déjà prédestinés à devenir des initiés et ils n'ont pas le choix? Ou l'être humain doit faire un travail sur lui-même qui peut devenir un élu? Vous savez, s'il n'y en est là, si quelqu'un est en train d'accomplir un certain travail sur lui-même, c'est parce qu'il était programmé pour. Ça ne peut pas arriver d'un coup, d'une shot, là. On est dans de l'espace-temps incarné, c'est-à-dire qu'il y a du graduel, il y a du linéaire. Selon ta vision, la fin de cycle, c'est 10 ans, 100 ans, 500 ans. On en a pour un bout de temps, là. Donc, ça, de toute façon, moi, je pense pas voir la fin tout à fait, la fin de ça. Ça arrive avec des cataclysmes en fin de cycle. Donc, il va y avoir des choses que, bon, j'ai pas envie de toute façon, moi, de. 10 ans, non, 100 ans non plus. 500 ans. Mais de toute façon, la perception du temps change, puis plus on avance, plus ça va vite. C'est comme, vous savez, quand vous faites couler un bain, l'eau, elle tourne de plus en plus vite dans le drain. Donc, c'est difficile, là, de. A-t-on choisi ce moment de fin de cycle avant de nous incarner? Ça dépend. C'est quoi qui fait des choix au sens de l'illusion du libre arbitre? C'est l'ego. Mais l'ego, avant de s'incarner, est-ce qu'il y a de l'ego? De quoi on parle là, comme choix? Les gens, si là, vous êtes pas conscient des choix que vous avez faits, est-ce que c'est des vrais choix? Le libre arbitre, c'est à ce niveau-là de faire des choix, c'est psychologique. L'énergie va selon son appointement. Ça, c'est clair. Donc, mais est-ce qu'on est obligé de. de voir ça d'une façon psychologique puis humaine pour des choses qu'on interprète qui sont en dehors de l'incarnation. Puis de toute façon, même si on finit par se rendre compte qu'on l'avait choisi ou qu'on ne l'avait pas choisi, on fait quoi là avec ça? Ça change quoi? C'est ça que je veux dire, dans le sens, on est extrêmement, quelque part, il paraît que quand plus on approche de la fin d'un cycle, c'est-à-dire qu'on entre dans un âge de fer, plus qu'il y a de l'énergie qui descend puis qui s'incarne. Donc, il y a quelque chose d'évolutif qui agit d'une façon magnétique, comme si la densité magnétique de la planète s'amplifiait. Donc, possiblement qu'on est chanceux de s'incarner dans des temps difficiles, puis on s'en rend pas compte. De toute façon, clairement, là, on sait là que c'est le temps d'évoluer. Tout cet expérimental-là, c'est des opportunités d'intégrer. Quand BDN dit que le pouvoir, on doit l'arracher à eux autres, ça ne se gagne pas. On ne l'attend pas, on doit l'arracher. Que veut-il dire selon toi? Ben, c'est clair. Parce qu'il va falloir manifester une volonté dans une constance puis de l'effort, dans le sens que ça ne donne rien d'attendre. C'est au niveau, comme quand vous avez une colère, parce qu'il y a quelque chose qui ne se manifeste pas, plutôt vous accumulez, puis si vous allez accumuler d'une certaine façon de l'énergie pour l'action puis le mouvement, si vous ne le psychologisez pas. Donc, c'est ça, pas attendre. Aussi, c'est attendre au sens d'accumuler une charge, puis à un moment donné, paf, ça part d'un coup, là, c'est correct. Mais il va falloir manifester une volonté. Ça fait partie des lois de la vie. Notre vie est-elle prédestinée? Ben oui, mais si je prends une pierre puis que je la lance comme ça, n'importe comment, au niveau de l'énergie qui a été mise dans le mouvement puis de sa direction, même si je ne sais pas où est-ce qu'elle va, là où elle va atterrir est déjà calculable, est déjà prédéterminée. Donc, c'est les mêmes lois, là. As-tu changé d'avis sur Duhem? Non. Duhem, là, je l'ai écouté pendant des années quand il était à la radio, puis moi, je considère que c'est un faux cul, ce gars-là. Elle l'a entendu dire des choses tellement stupides. C'est un espèce de polémiste qui est là pour... C'est un brasseur de marde professionnel, ce gars-là. C'est quasiment pas mieux que Bombardier, ça. Duhem. Là, c'est comme si c'était donné, il y a une part de marché chez tel type de... Regardez, là, ça donne rien non plus. Puis classe ensemble, puis ça a-tu donné de quoi? Ça fait-tu de quoi? C'est-tu logique? Ils sont même pas capables de faire des pétitions comme du monde, ils mettent des coquilles dedans. Puis... J'ai bien de la misère, moi. Pour moi, Duhem, c'est un polémiste professionnel. Puis je l'ai entendu dire des choses à la radio tellement connes. C'était clairement juste pour sa part de marché, puis attiser ses... Bon, en tout cas. Non, je n'ai pas changé d'avis sur Duhem, ça mènera à rien, ça, Duhem. De la même façon que je serais bien surpris que... Comment il s'appelle, là, l'autre en France, là... Ça se peut qu'il soit élu président, mais ça ne changera rien, nécessairement. T'es un exécutant, ça, là. Comment il s'appelle, là? J'imagine que non... Le gros jeu de manipulation, ben oui. Vous savez, là, quand que dans un vrai régime, s'il y a une opposition qui a le droit d'être manifeste, c'est pas une vraie opposition. Ça veut dire que le terrain est miné, puis... En tout cas, Zemmour, c'est ça. Il nous parle de guerre civile depuis 10 ans, lui. Ah, Florian Philippot, bon, lui, là. J'ai jamais cru au Front National d'aucune façon. À mes yeux, c'est une fausse dissidence. C'en est ça de la position contrôlée, à mes yeux. Avec le bonhomme, là, comment il s'appelle? Voyons donc, il travaillait pour les services secrets en Algérie, puis il torturait du monde, le bonhomme, là, le bong, le vieux bong. Là. Jean-Marie, j'ai l'impression que Legault passe la gratte pour Angle. Ben, c'est ça. Ben oui, elle a été choisie. Hey, ça fait 3-4 ans que je le dis. C'est notre futur premier ministre. Ben, depuis que Legault a été élu, là, que je dis, c'est notre prochaine. Fois. C'est sûr, elle a été. Elle a été reçue au Bilderberg. Là. Elle a été choisie à leur mandat. Donc, bon. Oui, il passe la gratte pour Angle. Des fois, je me concentre sans. Pensée et réflexion, je sens une énergie monter. C'est bref le moment que ça dure et C'est la volonté énergique, c'est à ce moment-là que je dois agir avec un ordre. Ouais. Oui. Puis ça, c'est le fun quand même. Mais c'est ça aussi. Plus vous, si vous réfléchissez pas trop, plus que c'est comme la sensibilité est plus claire, puis il y a moins de danger de faire d'erreur. Non, on va reprendre Macron, les élections seront truquées, c'est bien possible. C'est très possible. De toute façon, là, lui, là, c'est. Voyons, là, c'est Jacques Attali, dans le fond, là, que vous avez élu. Ben, entre guillemets, là, parce qu'il n'y a pas eu de vraies élections, tant qu'à moi. Il est là. Il y en a un qui me dit, c'est quand que ça va éclater en France? Je disais, ben, surveille Jacques Attali, ben, qu'il prenne l'avion puis qu'il s'en va, ben, tu peux être sûr que ça va, ça s'en vient. Juste à surveiller M. Attali. Quand M. Attali va quitter le territoire, ça veut dire que là, ça va éclater bien. Les politiciens pour politiciens, c'est la même bosse au-dessus. Voilà, c'est les mêmes qui ont créé l'idée de la dette transnationale. Donc, mais oui, M. Lépine, politicien. Ah, message retiré. Moi, je vais vous laisser. Puis avec l'autre live d'aujourd'hui, ça fait 1 heure quand même. Ça fait 1 heure quand même. Donc, mais je ne sais pas quand je vais refaire un live. Mais c'est possible là, que je m'achète. Je vais acheter à un moment donné, peut-être le mois prochain, là, je vais acheter une nouvelle porte. Là, puis je vais isoler ça un peu ici. Puis peut-être même à un moment donné, je vais acheter une meilleure caméra. Puis vous allez voir, les poils, il est dans si pire que ça. C'est un jeu d'ombrage, là. C'est sûr, quand j'ai la lumière derrière moi, c'est pire. Mais bon, j'ai pas les dents blanches non plus. Mais je vous garantis que si je rencontrais Éric Duhem, c'est pas moi qui serais édenté entre les deux. Bon, je devrais peut-être. C'est temps que j'arrête l'urgence. Le Québec est fini selon moi. Ben non, si on s'en sort, il va falloir passer par leur système féodal technocratique pendant des dizaines d'années. Bouffe. On verra. Prompt rétablissement à M. Arruda. Moi, prompt rétablissement à la population. Mais là, on est peut-être pris avec pire. Prends-toi une belle portée. Montre-nous tes. OK. Merci. Bon, merci à vous. C'est bien, là, pas bon. Merci. Donc, à Médusa. Donc, bon, ben, je vais vous souhaiter une bonne journée. Puis moi, je vais aller dîner. Donc, bonne journée. À la prochaine.